J'entre à Frasnes avec ma caravane. Ce panneau interdit de circuler à plus de 40 km/h, mais le panonceau précise que cette restriction ne concerne que les véhicules de transport de marchandises. Je ne suis donc pas concernée et je peux très bien adopter une allure qui oscille entre 30 et 50 km/h puisque je suis en agglomération. Réponse A, B et C.